Un jeune d'Europe espagnole transperçait tous ses adversaires. Pour eux, ce n'était pas très drôle de retourner vite au vestiaire. Pourtant, un nouveau matador dans un combat au corps à corps a conjuré le mauvais sort. Et le taureau ce soir est mort. Le matador est suédois, il expédie de bons coups droits. Solide comme du vieux bois, pas celui des marchands aux abois. Et dans l'arène, il fait la loi. Par des coups surpuissants, le taureau trébuche et s'écroule. Il maudit le ciel et le vent sous les olés de la foule. Dans ses beaux habits de lumière, le matador brandit sa lance et le taureau mord la sur la terre battue de France. Le matador est suédois, il expédie de bons coups droits. Solide comme du vieux bois, pas celui des marchands aux abois. Et dans l'arène, il fait la loi.